Lee Chun-moon, président de l'association de la région Est des compatriotes coréens aux États-Unis, a critiqué le 23 les nouvelles démarches hystériques des États-Unis et de leurs suivistes. À peine informé de la nouvelle de la réussite au lancement expérimental de la fusée balistique stratégique à moyenne et longue portée façon 10 de la Corée.